C4 Picasso. En ce moment, profitez de 5000 euros de reprise en plus de l'Argus sur Citroën Grand C4 Picasso 5 ou 7 places, équipé de 11 aides à la conduite. Citroën. Équipement selon version, offre valable jusqu'au 30 novembre, détails sur citroën.fr. On venait d'avoir le bac, sans mention mais bon, on s'en foutait, on était libre. La vie débutait. On a pris la route pour le week-end. On était 6 dans la voiture. 6 dans ma 5 places, à déconner. Mais on était que 2 à avoir notre ceinture. Et aujourd'hui, on est que 2 encore en vie. Enfin, en vie. C'est pas la vie qu'on espérait. Attachez votre ceinture. Attachez-vous à la vie. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Il y a plusieurs solutions pour aider la recherche médicale. Par exemple, vous pouvez devenir explorateur, escalader une montagne reculée, puis découvrir une plante médicinale inconnue dont les vertus bouleverseront le monde scientifique. Sinon, vous pouvez simplement rapporter vos prospectus chez Leclerc. Et oui, pour chaque prospectus rapporté, Leclerc le recycle et reverse 2 centimes à la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Leclerc. Destiné aux porteurs de la carte de fidélité, limité à 3 prospectus Leclerc scannés par semaine. Détails sur www.prospectusutile.leclerc. Merci d'avoir fait tomber mon téléphone dans les toilettes la soirée mythique. Et merci d'avoir renversé mon cocktail sur Pierre. Sans ça, on ne se serait jamais rencontrés. Merci maladresse. Rencontrez-vous aux soirées mythiques en téléchargeant gratuitement notre appli. Mythique. Only Mix on Galaxy. La musique s'exprime, le DJ et sa voix. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Vous êtes bien sur Galaxy Radio, il est 20h04, bienvenue dans cette nouvelle formule émission Refresh. C'est Nico avec vous et nous sommes en direct pour inaugurer ensemble la toute nouvelle formule de mon émission, enfin mon émission plus maintenant puisque je suis accompagné de mon ami Lilian, grand passionné aussi comme moi. Lilian, tu m'entends? Oui, je t'entends. Salut. Salut Nico. Alors Lilian et moi, on avait l'idée de construire ensemble une version 2.0 de cette émission Refresh que je mène seul, on va dire depuis 2000. Ah oui, déjà très très longue histoire, hein, qui n'est pas finie. Et donc pourquoi Refresh d'ailleurs? Parce que justement, je suis un petit peu geek. Hein, alors donc c'était une manière pour moi d'actualiser mes oreilles et l'esprit avec des sons très innovants, les trucs du moment. Et tout ce qui nous rapproche, tout ce qui nous fait plaisir. Et donc voilà, maintenant donc Lilian et moi on a démarré aussi cette émission, on va baptiser une nouvelle rubrique qui s'intitule La Source. Et donc je te laisse la parole Lilian, explique-nous un petit peu ce que c'est que La Source. Oui, tout à fait. Alors en fait dans cette rubrique on veut surtout aller aux sources de la musique, hein, donc aussi également aux sources des sorties, donc directement à la sortie du producteur. Toutes les nouveautés de la semaine que Nico justement sait nous dénicher et nous faire écouter chaque semaine. Merci. Écoute, donc on va s'écouter ça. Le prochain, justement, le tout premier morceau qui est issu de La Source s'appelle Amanacer. Hein, il est signé Solomon. Il vient de sortir cette semaine et on va s'écouter ça ensemble. J'espère que la technique ne va pas me jouer des tours. On y va, c'est parti. Galaxy. La musique électronique a une âme. Écoutez, écoutez, écoutez. Elle va parler. Elle va parler. Thank you. c'était Galaxy Solo Moon à l'instant avec Amanecer, un très très bon titre qui est sorti cette semaine. J'ai d'autres bons titres aussi à vous proposer encore ce soir, mais qui ne sont pas forcément sortis cette semaine. Celui-là et celui qui va arriver est un petit peu un classique. D'ailleurs, je vais le lancer, il est sur ma platine. Attendez, juste un petit instant. Voilà, ça y est. Celui-là, vous le connaissez certainement. C'est sorti sur le label Border Community. The Sky Was Pink, Nathan Fake. Donc, vous retrouverez aussi le Amanecer, justement, dans un deuxième mix tout à l'heure que je réaliserai aussi en direct. C'est le premier son du mix qui sera du coup intitulé La Source, hein, le mix qui sélectionne les meilleures nouveautés de la semaine sur Galaxy Radio dans cette émission Refresh, Refresh 2.0. Excellent week-end avec Galaxy. Galaxy, music for happy people. Excellent souvenir de 2004, ce Nathan Fake, fond classique de chez Classique, n'est-ce pas Lilian? Oui, tout à fait. Alors donc, d'ailleurs, c'est excellent souvenir aussi, ça me rappelle une petite soirée dans une piscine, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, le début d'un set enflammé sur un gros sound system de mes amis du collectif Ginkgo Biloba. Exact. Voilà, donc, alors passons pour la suite, hein, qu'est-ce que tu me proposes, hein? Bon, un titre qui cartonne bien en ce moment, Lovely Day de Blaze, remixé par Amine et Edge. On s'écoute ça. Allez, c'est parti. Galaxy. Everywhere. tellement bon ce titre, c'est vrai qu'on l'entend souvent en ce moment sur l'antenne de Galaxy Radio, mais franchement on ne s'en lasse pas, en tout cas moi je m'en lasse pas, j'espère que pour vous ce sera le cas également. Et alors on va partir sur une autre nouveauté que j'ai dénichée, qui est sortie le 10 novembre cette semaine, un truc complètement inédit, je vous laisserai découvrir tout ça. Ça s'appelle Yeah But No Send. Alors ça y est, je pense que je vais avoir le syndrome des artistes les plus compliqués à annoncer, parce que c'est vrai que le micro c'est un petit peu leur point indulgent, parce que c'est un peu le début quand même, et le syndrome des artistes impossible à annoncer se révèle pour tous les animateurs radio. On va s'écouter ça donc ensemble sans plus attendre. Yeah But No, le titre Send, c'est parti sur Galaxy. Galaxy. If I could be like Sam,